Le tremblement de terre s'était apaisé. Une admirable journée se préparait. Il était 8 heures du matin. Lord Glenarvan et ses compagnons, ranimés par les soins du major, revinrent peu à peu à la vie. La cordillère était descendue, et il n'aurait eu qu'à s'applaudir du moyen de locomotion dont la nature avait fait tous les frais, si l'un d'eux, le plus faible un enfant, Robert Grant, n'eût manqué à l'appel. « mes amis, dit Glenarvan, en retenant à peine ses larmes, il faut le chercher, il faut le retrouver. » Fasse le ciel que Robert respire encore. Sans lui, comment oserions-nous retrouver son père? Et de quel droit sauver le capitaine Grant si son salut a coûté la vie à son enfant? Les 6 hommes commencèrent leur exploration. Toute cette portion des Andes fut scrupuleusement fouillée pendant de longues heures. Vers 1 heure, Glenarvan et ses compagnons, brisés, anéantis, se retrouvaient au fond de la vallée. « Attendons, dit Paganel, soit pour recommencer nos recherches, soit pour continuer notre route. » « Oui, répondit McNabbs, et restons, puisque Edward veut demeurer. » Le major fit établir un campement provisoire. Quelques couvertures, les armes, un peu de viande séchée et du riz. Voilà ce qui restait aux voyageurs. La nuit vint, calme et tranquille comme la nuit précédente. Pendant que ses compagnons demeuraient immobiles, quoique inassoupis, Glenarvan remonta les pentes de la cordillère. Pendant toute la nuit, le pauvre lord erra dans la montagne. Mais ses derniers efforts furent stériles. Le jour se leva. Il fallut chercher Glenarvan sur les plateaux éloignés et, malgré lui, le ramener au campement. Son désespoir était affreux. Mais, dans l'intérêt de tous, l'heure de partir ne pouvait être reculée. « Oui, oui, dit Glenarvan, partons, partons !» Mais, en parlant ainsi, sa main se leva et demeura immobile comme s'il eût été pétrifié. « Là, là, dit-il, voyez, voyez !» C'était un oiseau qui planait à une hauteur incommensurable. « Un condor, dit Paganel. » Invisible aux meilleures vues, ce roi des airs promène un regard perçant sur les régions terrestres et distingue les plus faibles objets. L'énorme oiseau s'approchait. Il mesurait plus de 15 pieds d'envergure. Mais il était trop tard. Le condor s'était dérobé derrière de hautes salies de roc. Une seconde s'écoula. Puis l'énorme oiseau reparut. Au cerf du condor, un corps inanimé apparaissait, suspendu et ballotté, celui de Robert Grant. Cherchant à s'enfuir avec sa lourde poids, il battait violemment de l'aile les couches atmosphériques. « Laissez-moi faire, dit le major. » Mais une détonation retentit dans le fond de la vallée. Le condor, frappé à la tête, tomba peu à peu en tournoyant, soutenu par ses grandes ailes déployées qui formaient parachute. Et ce fut avec une certaine lenteur qu'il s'affaissa sur le sol, à 10 pas des berges du ruisseau. L'oiseau était mort. Glenarvan se jeta sur le cadavre de l'enfant. « il vit encore !» Robert regarda et prononça quelques paroles et ce fut pour dire « Ah, vous, Milord, mon père !» Glenarvan ne put répondre, l'émotion l'étouffait et s'agenouillant, il pleura près de cet enfant si miraculeusement sauvé.